Ok. Avis aux amateurs de l'under, c'est maintenant qu'il faut appuyer sur le détonateur. Vu que l'industrie du disque est dans notre champ de vision, quand on rappe c'est la qualité que nous visons. Que notre apparition fasse exploser les ventes, fasse péter les watts. Ton mec de l'under, c'est que la pente est longue. On se donnera le temps, la peine pour atteindre le sommet. On fournira le boulot qu'il faut pour ne pas s'étrier. En restant concret, prêt parmi ces confirmés. Si je t'exprime cela, c'est que j'ai mis un pied dedans. Ça fait un bout de temps que je suis au sein de discret. Et je crois que c'est maintenant que tu viens de le constater. La old school a changé depuis son époque. Même si pour certains ils ont baissé leur froc. Peu importe non le reste, je me bats pour discret. Et je compte tout prendre pour nous et rien pour le reste. Rap qui dévaste comme une bombe dans l'under. L'industrie du disque est dans notre collimateur. Entre nos mains ce son appuie sur le détonateur. Discret vient exploser les ventes à vie aux amateurs. Rap qui dévaste comme une bombe dans l'under. L'industrie du disque est dans notre collimateur. Entre nos mains ce son appuie sur le détonateur. Discret vient exploser les ventes à vie aux amateurs. Informe les autres qu'on est armés. Rien ne sert de s'alarmer. Avertis mes hommes de l'ombre qu'on ombre. On vient répandre la bombe. Discret, un choc. Prends-le un peu comme un 11-43. Je te braque en plein temps. Rien ne sert de s'alarmer. Préviens les autres. Je vois que tu blanches. Discret, c'est comme la coque. Rien ne sert de s'alarmer. Discret, te l'armée. Façon under. Appuie sur le détonateur. L'industrie du disque est dans notre collimateur. Soldats de l'under, on envahit le secteur. Fais péter les compteurs. Fais brandir notre blason. Depuis le temps que ça dure, je crois bien que c'est maintenant. La bombe peut paraître oppressante. C'est juste qu'elle est conçue pour être écrasante. Un 11-43 en plein temps. Discret en temps de guerre, merde. On entend bien marquer l'époque, frère. Qui dévaste comme une bombe dans l'under. L'industrie du disque est dans notre collimateur. Entre nos mains, ce son appuie sur le détonateur. Discret vient exploser les ventes à vie aux amateurs. Qui dévaste comme une bombe dans l'under. L'industrie du disque est dans notre collimateur. Entre nos mains, ce son appuie sur le détonateur. Discret vient exploser les ventes à vie aux amateurs. On nous a fermé du monde, demeurant dans les zones d'ombre. Une des causes qui fait qu'on tient des propositions. Dans la totale discrétion, on a conçu cette bombe. L'heure est venue pour nous de creuser l'écart, ainsi que leur tombe. Notre plan élaboré visait l'industrie du disque, ainsi que tous ceux qui s'opposent à ce qu'on revendique. Des thèmes, des sujets écrasants ou événements bouleversants. L'effet discret c'est traumatisant. On vient brusquer l'under, te fais pas trop d'illusions. C'est plus une perte qu'une excursion. SOP pense pour organiser notre action. On prend le pouvoir par la force pour redorer notre blason. L'enjeu est crucial, pas partir à la dérive. On est sur pédestal, tous les notes sur le qui-vive. En 2005 c'est sur nous que tu mises. C'est dans notre rap qu'on extériorise. C'est dans notre rap qu'on rap dévaste comme une bombe dans l'under. L'industrie du disque est dans notre collimateur. Entre nos mains ce son appuie sur le détonateur. Discret vient exploser les ventes à vie aux amateurs. Qui dévaste comme une bombe dans l'under. L'industrie du disque est dans notre collimateur. Entre nos mains ce son appuie sur le détonateur. Discret vient exploser les ventes à vie aux amateurs.